Chapitre 12e. Il était 10 heures du matin et Angèle, avant de partir pour la salle Corneille, déjeunait dans la salle à manger qui servait à la fois d'ouvroir et de réfectoire et qui était meublée avec des épaves du mobilier de baie. L'antique armoire de chêne aux vantaux bombés luisants, aux garnitures de cuivre, la crédence du même style, la grande horloge rustique dans sa longue boîte coloriée, tous ces vieux meubles massifs sentaient encore la province. Un coin de la table de noyer, sur un bout de nappe bien blanc, Madame Sénéchal avait disposé le déjeuner, une côtelette appétissante, une coquille pleine de beurre fin et un pain viennois doré comme une brioche. Toujours en mouvement, la bonne dame ne s'arrêtait que pour regarder avec admiration sa fille en train de manger. Angèle avait beau insister pour que sa mère déjeune avec elle, Madame Sénéchal faisait la sourde oreille. « Non, non, ne t'occupe pas de moi, » disait-elle. « Je n'ai pas de voix à soigner, moi. Je suis solide, et toutes ces viandes rôties ne me nourrissent pas. » Une fois Angèle partie, elle dévorait gaillardement une tartine de fromage d'Italie arrosée d'un grand verre d'eau. Elle se serait volontiers privée du nécessaire pour que sa fille eût toujours le superflu. Depuis son arrivée, elle s'était remise à son ancien métier de couturière et travaillait tout le jour, parfois même une partie de la nuit, pour des magasins de confection. Cette besogne mal payée suffisait à peine à faire marcher le ménage, car l'argent rapporté de baie diminuait à vue d'œil, et ce monstre de Paris menaçait de dévorer en quelques bouchées la succession du père Sénéchal. Angèle avait des remords en voyant sa mère se tuer de travail, mais celle-ci n'entendait pas raison là-dessus. « Laisse donc, » répliquait-elle, « j'y suis habituée, et puis tu me revendras tout ça quand tu auras un bel engagement. » Rien n'altérait sa confiance dans l'avenir de sa fille. Elle en parlait à qui voulait l'entendre. Le petit tailleur et la fleuriste qui logeaient sur le même carré avaient les oreilles rebattues des espérances dorées de Madame Sénéchal. « Patience, » leur disait-elle. « Dès que ma fille pourra se faire entendre, tout Paris parlera de son talent, et les directeurs auront la main forcée. Ah, dame, c'est qu'on ne rencontre pas tous les jours une artiste tournée comme Angèle. Et puis, » ajoutait-elle en clignant de l'œil, « c'est honnête. » Il faisait entendre un petit sifflement entre ses dents. « Ça vaut de l'or et ça ne se vend pas. » Lorsqu'Angèle répétait ses rôles dans la salle à manger, Madame Sénéchal s'obstinait à ouvrir toute grande la porte du carré. Elle espérait toujours que quelques directeurs de théâtre, montant par hasard au 5e, entendraient sa fille, s'arrêteraient charmée et entreraient brusquement pour lui offrir un engagement fabuleux. Elle avait lu, je ne sais où, des exemples de pareille bonne fortune et elle croyait fermement à ces hasards providentiels. Ce matin-là, Madame Sénéchal était justement dans une de ses veines d'espoir. En se levant, elle avait consulté les cartes qui lui avaient annoncé de bonnes nouvelles. « Tiens !» dit-elle à sa fille en lui apportant son chocolat dans une jolie tasse où brillait une cuillère d'argent. « Goûte-moi cela, je l'ai soigné et il embaume. »« Tu me gâtes !» s'écria Angèle en l'embrassant. Puis, écoutant un bruit de pas sur le carré, « On a frappé » murmura-t-elle. « Monsieur des Armoises, sans doute !» répondit sa mère, car René venait maintenant les voir tous les matins. Non, ce n'était point son pas. Madame Sénéchal ouvrit la porte et poussa un cri. « Monsieur Joseph !» « Oui, c'est moi !» s'exclama joyeusement Toussaint. « J'ai de la peine à vous trouver, mais enfin me voici, et je suis content de vous voir. » Il embrassa la mère Sénéchal et serra timidement les petites mains d'Angèle. Ses yeux étaient humides, et sa large bouche s'ouvrait démesurément pour mieux marquer sa joie. « Êtes-vous à Paris depuis longtemps ?» demanda Angèle. « Mais oui. Mais l'étude biblique ne me satisfaisait plus. » Cette misérable besogne m'alanguissait et me desséchait. La vie me semblait décolorée. J'allais m'en retourner au nid quand j'appris qu'un mien neveu, mon filleul, en garnison à Paris, venait de tomber malade. Alors je me suis dit, « Joseph, mon garçon, voilà un emploi pour ton besoin d'agitation, et je suis parti. Et votre neveu est toujours malade ?»« Non, il est guéri, mais je suis resté tout de même. » Le séjour de Paris, ajouta-t-il d'un air grave et avec un soupir, m'a jeté dans une nouvelle série d'études qui, je l'espère, ne seront pas sans profit. À ce moment, on frappa de nouveau et Angèle courut ouvrir. Elle avait reconnu René des Armoises. Le poète secoua vigoureusement la main de Joseph et parut très heureux de le revoir. Puis, comme l'heure était venue pour Mademoiselle Sénéchal de se rendre à son école, Ils descendirent et résolurent de la conduire jusqu'à la salle Corneille. En sortant de la maison, Joseph se questionnait encore pour savoir s'il offrirait son bras à Angèle quand il s'aperçut que la jeune fille avait déjà pris celui de René. Il se résigna donc à marcher silencieusement près d'eux et ils traversèrent tous les trois le Luxembourg dont un joli soleil d'hiver faisait scintiller les arbres poudrés de givre. « À quoi vous occupez-vous ici ?» demanda René à Toussaint. « Faites-vous toujours du notariat ?»« Non, Dieu merci !» répondit ce dernier. « Figurez-vous que j'ai rencontré un sénateur qui est mon compatriote et qui m'a pris pour son secrétaire. Il est bien pensant et se passionne pour les questions religieuses. Seulement, comme sa culture d'esprit n'est pas à la hauteur de ses bonnes intentions, c'est moi qui écris ses discours. « Ah !» dit René en riant. « C'est vous qui tenez par sa voix contre les tendances matérialistes de l'époque. À merveille. Je suis sûr que vous finissez par vous laisser prendre à vos propres phrases. »« Oui, » répliqua Joseph avec une gravité naïve. « Quand je lis ma prose dans l'officiel, je vous avoue franchement que je suis confondu de mon éloquence et que dans la bouche de mon patron, mes phrases m'imposent un mystérieux respect. Je lui suis reconnaissant à cet homme de m'apprêter son autorité pour dire des vérités à mon siècle. » et de me payer encore par-dessus le marché. Ainsi, reprit les armoises d'un ton légèrement dédaigneux, vous voilà devenu dévot. Vous engraissez votre âme avec des oraisons onctueuses et de béates méditations. Je n'engraisse pas mon âme, reprit Joseph piqué. Je la nettoie et je la pare. L'huile de ma lampe s'est épaissie. Je lui rends sa limpidité. Je n'ai jamais été incrédule, mais abbé, je m'étais laissé dissiper par le monde. J'en étais puni. Continua-t-il en lançant la dérobée un regard vers Angèle. « J'en ai été puni par un déboire dont la saveur amère me reste encore à la bouche. Je me suis tourné alors vers les choses qui ne passent moins et j'ai pris un autre chemin. « Le chemin de Damas, » fit ironiquement René. « Oui, » répondit Joseph avec bonhomie. « Et pourtant je dois avouer que ma nouvelle ferveur a reçu récemment un coup dont je suis un peu ébranlé. Je ne sais si je puis vous le confier. » poursuivit-il en regardant ses deux compagnons avec inquiétude. « Allez toujours. Eh bien, j'étais rentré une après-midi à Saint-Germain-des-Prés. Il régnait sous la nef une ombre fraîche et mystérieuse. Les peintures de Flandrin, une mystique odeur d'encens restée dans l'air, les points lumineux des cierges brûlant près de l'autel de la Vierge, tout invitait le cœur à s'épancher. Je vis un vieux prêtre vénérable se diriger vers un confessionnal et je me dis « Voilà le moment d'ouvrir ton âme. » Je me glissai dans l'un des compartiments, je m'y agenouillai, et le prêtre ayant ouvert le guichet, je commençai ma confession. J'étais comme soulevé par un tourbillon religieux. Je me sentais une éloquence digne du René de Chateaubriand. Et je contai à ce prêtre toute ma vie, avec ses doutes, ses hésitations, ses douleurs intimes. J'y mettais un peu de vanité, et me trouvant moi-même très intéressant, j'y allais de tout cœur, bien persuadé que mon confesseur devait être émerveillé de son pénitent. Quand j'eus fini, le prêtre releva lentement la tête. N'avait-il rien compris à mes effusions? Avait-il dormi? Voulait-il me donner une leçon d'humilité? Je ne sais, mais pour toute exhortation, il me demanda d'une voix très douce, « Mon enfant, savez-vous lire ?» J'étais abasourdi, j'étais vexé, j'écoutais à peine le reste de son discours, où il me conseillait la lecture d'un petit livre intitulé « Pensez-y bien », et je quittai tout penaud le confessionnal. Angèle partit d'un éclat de rire qui s'envola dans l'air en notes argentines. « Vous deviez avoir une bonne figure, » s'écria-t-elle. « J'aurais voulu vous voir sortir de la petite cabane. » Joseph la regarda scandalisé. « Parisienne, » murmura-t-il, « vous riez de tout, vous autres. » Et cela n'a pas refroidi vos ardeurs de néophyte? Si fait, j'ai été troublé, je le suis encore. Ils étaient arrivés à la porte de la salle Corneille, on se sépara, et Joseph s'en revint avec René qui l'emmena déjeuner au café. Ainsi, dit Joseph, cette vocation de mademoiselle Sénéchal est sérieuse et elle persiste à entrer dans cette scabreuse carrière du théâtre. Pourquoi scabreuse? Vous me le demandez. Je sais bien que vous autres artistes, vous ne voyez pas le théâtre du même œil que nous. Quand on a la vocation de livrer son âme en pâture au public, c'est qu'on a vidé d'un trait sans sourcier la coupe des préventions bourgeoises. Mais enfin, pour une jeune fille honnête, il y a l'influence d'un milieu malsain, la promiscuité de la scène. Et puis, mademoiselle Sénéchal, est-elle sûre de réussir ? Dans l'art, répondit René, on n'est jamais sûr de réussir. Le succès est une affaire de volonté et de patience. Il faut mettre le plus de talent possible dans son jeu et attendre. Attendre, c'est bel et bon, mais il faut vivre en attendant. Et les Sénéchals sont presque pauvres. Heureusement, vous, les Armoises, qui avez déjà de la réputation, vous pouvez épauler mademoiselle Angèle et faciliter son engagement dans un théâtre. Cette remarque de Joseph parut embarrasser René. « Mon pauvre ami, dit-il en haussant les épaules, vous ne connaissez pas ce pays-ci, et vous faites illusion sur mon influence. J'aurais moi-même bien du mal à faire jouer la pièce à laquelle je travaille. Et puis de quel air voulez-vous que moi, garçon de 25 ans, j'aille recommander une jeune fille qui en a 20 à peine ? On croira tout de suite qu'elle est ma maîtresse. » Le ton dégagé de René choqua Joseph, mais ne le mécontenta pas. Un moment, en voyant le poète entrer si familièrement chez Angèle, la pensée lui était venue que des Armoises aimaient la jeune fille. Cette conversation le tranquillisa. S'il l'aimait, pensait-il, il parlerait et agirait autrement. Moi, je remuerais ciel et terre pour être utile à Angèle. Non, il ne l'aime point, et c'est tant mieux.